like sugar. Little bit of juice, little bit of Buddha. I don't wanna hear no shoulda, coulda, woulda. She don't wanna hear no rap shit. So don't chat shit. I said, why are all the pretty girls batshit? I didn't really wanna know, I was just being sarcastic. Then I tapped it. Fantastic. Sipping on porn stars. Should have been a porn star. Everybody says banning informer. So they turn informer. Don't let your mouth grab checks that your ass can't cash. Cause you ain't on WAS. You're just gas. And you know you're gonna crash at Clash. I'ma mash up the dance then dash. I don't like plans, I just improvise. I do what I want, why compromise? I don't need no pity, don't sympathize. I stood tall through it all like a street light. Big whip in the city on a weeknight. Three birds in the back, that's a D-light. Gotta spend a bit of P, don't be tight. You can't die with it, just stick to the script, just ride with it. Pretty ting, big tits, being shy with it. Even with a baggy top, there's no hiding it. I might spend my advance on a chain. Insane, a rock will go against the grain. Stay in my lane, I maintain. Rule out here, flash. I mash up the darts, then dash. Commence par une nappe de synthé très très douce. Nous sommes en 1985, et bien figurez-vous que la Yuka Soul bat alors son plein à Londres, et on danse sur des sons non seulement élégants, mais aussi parfaitement minimalistes. Et c'est pas fini. Après la nappe synthétique, après les boîtes à rythme, et bien vient ce son qui prend le dessus. C'est sans doute l'Indrum ou un DMX. Tout ici, étendu entre le rythme et le silence. Comme suspendu à un fil. Place aux guitares, place aux voix aussi. Hanging on a string. Suspendu à un fil. Place au fantastique. Loose ends. Yeah. La nuit des temps, Radio Dieu. When I told him this, he's like, "You're right. Yeah, you're right. Like, now that you mention it, I see it." And I'm hoping that whole conversation went in the direction of, okay, my child may not have a degree or whatever, like all the cons you would possibly list, but he is me. Like, you guys are one of the same people. And you guys already are so similar. Your mannerisms. producteur coréen. On ne sait pas grand-chose sur lui, si ce n'est qu'il kiffe Nirvana et David Bowie. Alors il a appris le piano gamin, il produit pas mal de sons sous plusieurs pseudos, comme ici KHC. Nous sommes à Séoul, et nous sommes dans les bruits bizarres de 2024. La nuit des temps, l'international de la danse. Yeah. got on a plane and single? What? Because if he flew back and forth all these years, I would have been fooled too. It's too bad you weren't playing him. Too. Right? Call me back. See ya. Hey, Jay. What's up? Yo, Jay. Jay. You gotta believe. Believe. You gotta believe in one love. One love. One love. Believe in it. Alors elle, c'est le bidouillage sonore. Elle étudie l'audio à la Vancouver Film School, mais son cœur battait plutôt pour le clubbing. Et son truc, c'est de faire danser sur une sorte de house, underground, mêlée de jazz et de bidouillage percussif. Un peu comme Loose Ends tout à l'heure. On reste sur un format minimaliste, toujours suspendu à un fil. Jaden Veda. I can tell if it's real or lies. I've been hurt so many times. Tell me where your intentions lie, though you make me wanna try. I can tell if it's real or lies. I've been hurt so many times that I'm ticking like a clock on you. Tell me where your intentions lie, though you make me wanna try. Convince me that you don't. Samantha Polder est une productrice plutôt talentueuse. Elle est née en Australie, puis s'est rapidement installée à Berlin. Elle aussi kiffe une forme de minimalisme dans ses sons. Nous sommes en 2024. C'est Promises. Father, elle aussi entend des voix ultra-naté. Carla House puise aussi ses origines dans la church music, le gospel. Ça, c'est Divine Love. Divine Love and Dance. La nuit des temps, l'international de la danse. About it. What you think? I don't wanna hear about it. nostalgic. Reminisce about back in the day. To my brethren, he still lives around the way. And he ain't trying to hear none of that shit today. He's got bills to pay. He said I wouldn't be talking like that if I never left ends and I had to stay. I didn't even move far, but it feels like a world away. He's still struggling, gambling, peddling pills and yay. And the skies are grey. These streets ain't sweet and it ain't okay. We ain't kids no more. Don't want to hear about how we used to play. Everybody don't feel like you. Didn't get no deal like you. A few meal like you. I didn't know there was a disconnect. I didn't mean no disrespect. He said, tell me about it. In fact, don't tell me about it. If it don't better my day, don't bring that shit my way. I'm better without it. So stop talking about it. What you think? I don't wanna hear about it. If it don't get me paid, don't bring that shit my way. I'm better without it. Do what you want to do. c'est pas la peine d'avoir un bac plus 15 en ethnomusicologie pour sentir que musique et sacré sont les deux bouts d'une même et unique tension. Et peut-être même dire que c'est encore plus vrai avec la house. En plus du groove, et comme dans la church music, on retrouve ces appels à la libération. Des appels pour libérer les corps, des appels pour libérer les esprits. You're free to do what you want to do. Et c'est sans doute pour ça que tant de minorités se retrouvent dans la house, dans la dance et dans le groove. Dans ce temple laïque, que sont les clubs? Alors on retourne aux sources ce soir. On retourne aux racines. Going back to my roots. Going back to my roots, to the place of my birth. it's been so hard, and you don't know what it all means. Ooh. But don't you ever let go. See, there's a reason you're still standing after all you've seen. Ooh. So don't you ever let go. Don't let go. La nuit des temps, Radio Duo. Effleurer des trucs métaphysiques. Au-delà du physique. Le club. La danse. C'est un peu tout ça en fait. On a les pieds sur terre. Mais on décolle de quelques centimètres du sol. Et les oreilles sont tendues vers les étoiles. Et pour nous aider à décoller, il faut du son, du bon son. Et ce soir, sur notre dance floor, quel bonheur d'avoir reçu les Staple Singers, qui avaient commencé par le gospel avec leurs parents. Oh là là, c'est une longue histoire, une longue lignée de musiciens qui avait débuté en 1948, et vous savez où ? À Chicago, l'une des sources de la house. On a également reçu Dizzy Rascal, qui avait publié un formidable album en 2024. On l'a mis en powerplay cette semaine, avec un petit retard à l'allumage. et les Loose Ends en direct de la soul anglaise et minimaliste des années 80. Il y avait aussi Bless the Mad pour prendre soin de nous. Et promis, on prend soin de nous. Il y avait également le jazz teinté de house de Jadeen Vedar. Ou encore Samantha Poulder qui, avec, malgré ou grâce sa schizophrénie, n'en finit pas de faire danser ses racines australiennes à Berlin. Et Ultra Naté pour son inoxydable You're free to do what you want to do. Ça, c'était notre mantra ce soir. On a également reçu la Corée. La Corée dans cette internationale de la danse avec Moribet, alias KHC. Et les racines retrouvées grâce au remix génial de Going Back to My Roots par le moins génial Richie Evans. Et on a presque clos les portes de cette nuit de temps par la sagesse mélodieuse et infinie de Therese Martin. De la voix. C'était juste de la voix. À 22h pétante, il y aura les Démineuses sur Radio Duo. C'est leur retour, en léger différé, mais c'est leur retour, avec plein de news sur la vie stéphanoise. Et on se poile en plus. Donc à 22h tout à l'heure, les Démineuses, et nous en attendons quelques bonus de la nuit des temps. Et au moment de sortir de notre bon vieux club, on retrouve l'air frais des montagnes. Les montagnes autour de Saint-Étienne. Et il y a les étoiles qui vibrent avec les ondes libres et sauvages dans le ciel de Saint-Étienne et les ondes de Radio Duo. C'est 1h54, les bonus de la nuit des temps. Buona notte, salut! La nuit des temps, l'international de la danse.